On s'est donné la chair de poule, l'émotion. Le seul à consommer sans modération. Il a fait tenir un tas de monde debout. Il arrive à te donner la force d'aller jusqu'au bout. Que tu sois pauvre, chaud, black ou autre chose. Des crates au kiff, c'est tout avec qu'il compose. Pour ceux qui n'ont pas encore connu ce sentiment, je persiste à dire que quelque part l'amour existe. Dites-leur que le monde n'est pas que haine, crime. Et l'amour existe aussi. Dites-leur que les coups qu'ils prennent donnent c'est. Jeter un œil derrière ces grandes tours. J'ai pris le large, une route sans retour. Éloigné des raclures et des vautours. Loin comme un dollar à qui on ouvre les portes. Loin, loin d'où le pire et le corps ne forment qu'un. Caché sous un tas de kilomètres. C'est là que je l'ai vu, c'est là que j'ai su. J'ai trouvé l'âme sœur, une vie meilleure. C'est là que j'ai cru. Comme Django, ça m'a fait boum boum. Sans m'étaler zoom zoom. Sur ma life en plein comme une balle, boum boum. Elle m'a donné son âme, cet amour à l'infini. Elle m'a donné sa vie. 5 ans après, elle m'a donné une fille. Après avoir frôlé une mort triste, j'aimerais vous dire que quelque part l'amour existe. Dites-leur que le monde n'est pas que haine, crime. Et l'amour existe aussi. Dites-leur que les coups qu'ils prennent donnent ses comptes. Dites-leur car le monde n'est pas que haine, crime. Et l'amour existe aussi. Dites-leur l'amour existe. Dites-leur à tous ces mots maquis on a fait croire que leur avenir était sur le trottoir, attirer les touristes et faire du genre art. Tous ces mômes salis par ces histoires où l'inceste a pris le dessus par ses porcs avec leurs pratiques barbares. À ceux qui grandissent dans les bidonvilles, pas loin de leurs cartons et leurs pistes, lui pichent déjà le cœur hostile. Ces femmes battues par ces faux jetons, la peur au ventre, à celles qui restent enfermées à la maison. Et des exemples, j'en ai des tailles, des tas, à faire vomir les tripes des aveugles dans ce putain d'état. Si je parle à ces victimes pour qui la vie se désiste, j'aimerais leur dire que quelque part l'amour existe.